Et d'après ces textes-là, on doit savoir que celui qui sait déjà, ou a un grand doute, qu'il va être contraint à la parole ou à l'acte de mécréance, tout en ayant la possibilité de quitter les lieux avant que cela n'arrive, celui-ci ne peut bénéficier de l'excuse de la contrainte, contrairement à celui qui n'a pas la possibilité de s'éloigner d'une fitna. Ce détail doit être pris en considération car il est important. Sulayman ibn Mohammed ibn Abdullah, rahimahullah, dans sa risale, le jugement de celui qui s'allie aux associateurs. La sixième preuve, la parole d'Allah. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. » Sourate 4, verset 97. C'est-à-dire avec quel parti étiez-vous ? Dans le parti des musulmans ou le parti des associateurs ? Ils se sont excusés de ne pas être avec le parti des musulmans du fait de leur faiblesse. Les anges ne les excusent point. Et leur ont dit, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Pas de doute que les tribus n'étaient pas avec les musulmans, étaient par conséquent avec les associateurs et faisaient partie de leur groupe. Ce verset a été révélé contre ceux qui étaient musulmans à la Mecque et qui ne pouvaient pas émigrer. Lorsque les associateurs sont sortis à Badr, ils les forcèrent à sortir avec eux et sortir par peur. Et les musulmans les tuèrent le jour de Badr. Lorsqu'ils apprirent leur décès, ils regrettèrent et dirent « Nous avons tué nos frères ». Et c'est à ce moment que le verset fut révélé. Que dire des contrées qui étaient sur l'islam puis s'en sont détachées ? Elles ont montré leur accord vis-à-vis de la religion, des associateurs, et leur ont obéi, les ont hébergés, secourus. Ils ont abandonné les gens du tawhid et ont suivi un autre que leur chemin, en disant qu'ils se sont trompés. Ils ont insulté les gens du tawhid et se sont moqués d'eux et de leur attachement à tawhid. Ils se sont moqués de leur patience, al-jihad. Ils ont aidé les associateurs contre les gens du tawhid. Et ce, sans être sous contrainte ni nécessité. Ce sont eux qui méritent d'être qualifiés de mécréants et d'être jetés en enfer, plus que ceux qui ont délaissé l'émigration par amour de la patrie ou la contrainte des mécréants et ont fait partie de leur armée, contraints et apeurés. Si quelqu'un dit, est-ce que la contrainte était une excuse pour ceux qui furent tués le jour de Badr ? On lui répond que cela n'était pas une excuse, car au début, ils n'étaient pas excusés lorsqu'ils ont continué à vivre parmi les associateurs. Donc, ils ne seront pas excusés après cela du fait de la contrainte, car ils étaient fautifs d'être restés à la Mecque parmi les associateurs et de ne pas avoir émigré. Voir dans Majmou' al-Tawahid, volume 1, page 305. Mais dites sur les paroles de ce savant, car elles sont un remède et une satisfaction pour savoir quand est-ce qu'on peut être excusé ou pas de la mécréance. Al-Qadi Ayyad dit dans Al-Madarik, volume 2, page 719, « On a demandé à Abu Mohammed ibn al-Kirani à propos de celui que Banu Ubaid ont contraint par la mort, afin qu'il fasse partie de leur mouvance. Il doit choisir la mort, et personne n'est excusé de cela, à part celui qui était présent lorsqu'ils sont venus et avant qu'ils connaissent leur véritable identité. Mais après cela, la fuite est obligatoire. Personne ne peut être excusé par la peur après avoir résidé, car la résidence dans un lieu où il est demandé de ne pas appliquer l'islam n'est pas permise. Et ceux qui sont restés sont les savants, qui ne voulaient pas laisser les musulmans seuls face à leurs ennemis. Ibn Hajar a dit dans Al-Fath, dans le livre de la contrainte, « C'est forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Les conditions de la contrainte sont au nombre de quatre. Il faut que celui qui menace a le pouvoir d'exécuter sa menace et que le contraint soit incapable de s'en défendre même par la fuite. » Il faut avoir une certitude totale que si ce qui est demandé n'est pas appliqué, la menace sera exécutée. Que la menace soit instantanée. En effet, si on lui dit « si tu ne fais pas cela, tu seras torturé demain », à ce moment-là, il n'est pas contraint, à moins que la durée soit très courte et que l'on connaisse l'habitude d'exécution de celui qui menace. On ne doit pas montrer un signe de volonté, voire dans Fath al-Bari, volume 12, page 385. Quatrième aspect, nous posons une question semblable à la question précédente. Imaginons qu'il y a des milliers de musulmans qui vivent dans une contrée gouvernée par la mécréance et que soudainement, les mécréants prennent les biens des musulmans. Une condition pour la récupération de leurs biens leur est imposée, à savoir insulter Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam, ou immoler pour autre qu'Allah. Ces musulmans acceptent cette condition. Peut-on alors dire de ceux-ci qu'ils étaient sous la contrainte ? Pas de doute que la réponse est non. Nous nous demandons alors quelle est la différence entre une communauté qui insulte Allah et une autre qui se juge auprès de Tarout. En conclusion, nous nous interrogeons sur la solution à ceci et comment nous préserver de cette fitna. Nous disons ce qui suit. Première issue. Allah a dit, certes ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 2, verset 218. Allah a dit, et ceux qui pour la cause d'Allah ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Sourate 16, verset 41. Allah a dit, quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Sourate 16, verset 110. Allah a dit, et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Sourate 4, verset 100. Dans la traduction relative et approchée. Ibn Kathir, rahmahullah, dit dans son tafsir, sa parole. Abondance signifie la subsistance, et cela est la parole de plusieurs savants, dont Qatada, qui a dit concernant « trouvera sur terre main refuge et abondance », c'est-à-dire de l'égarement vers la guidée et de la pauvreté vers la richesse. La première issue afin de sortir de cette fitna est l'émigration. Et l'émigration se fait de la demeure du kufr à la demeure de l'islam. La demeure de kufr, comme l'ont enseigné les savants, est la demeure dans laquelle les lois de mécréance gouvernent. La première issue afin de sortir de cette fitna est l'émigration. Et l'émigration se fait de la demeure du kufr à la demeure de l'islam. La demeure de kufr, comme l'ont enseigné les savants, est la demeure dans laquelle les lois de mécréance gouvernent. Ibn al-Qayyim dit dans Ahkam al-Dimma, la majorité des savants ont dit que la demeure de l'islam est l'endroit où les musulmans entrent et appliquent les lois de l'islam. Et là où la loi de l'islam est absente, la demeure de l'islam ne peut exister. Volume 1, page 166. Les savants du Najd disent, afin de qualifier le pays comme pays de mécréance, de kufr, Ibn Mufleh a dit, toute demeure gouvernée par les lois islamiques est une demeure d'islam. Si elle était gouvernée par les lois de mécréance de kufr, elle serait une demeure de mécréance. Il n'y a pas une troisième demeure. Voir dans Ad-Durar Saniya, volume 7, page 353 du Kitab al-Jihad. On a demandé au Cheikh Mohammed Ben Brahim al-Cheikh, est-il obligatoire d'émigrer d'un pays musulman qui gouverne avec les lois non islamiques ? Il a répondu, un pays qui gouverne avec des lois non islamiques n'est pas un pays musulman. Il faut émigrer de celui-ci. Aussi, si l'idolâtrie s'est propagée sans interdiction, l'émigration est obligatoire, car la mécréance se propage par la mécréance. C'est un pays de kufr. Fatwa Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, volume 6, page 188. Deuxième issue. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, dans Kitab al-Iman, chapitre « Fuir les fitnas » fait partie de la religion. Abi Sa'id al-Khudri a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bientôt le meilleur des biens du musulman sera des ovins, et il protégera sa foi des dissensions en se réfugiant dans les montagnes, dans des lieux où la pluie tombe. Troisième issue, chercher un endroit où les rites de mécréance ne sont pas apparents, afin d'y vivre pour protéger son din et sa dunya. Quatrième issue, se mettre d'accord sur la nomination d'un juge qui juge entre eux en cas de litige. Ce juge doit être nommé par l'imam, le gouverneur ou celui qui est chargé de cela. L'imam al-Nawawi dit, il appartient à l'imam de nommer un juge dans toute région où il y est absent. Il peut déléguer cette tâche de nomination au gouverneur de la région. Il ne peut pas s'instaurer juge, ni les membres de sa famille, et s'il dit aux gens de la région, choisissez quelqu'un parmi vous et nommez le juge. Ibn Qayyim a dit, c'est permis. Ibn Qudama dit dans Al-Mughni, si l'imam donne procuration à quelqu'un afin de nommer un juge, ceci est permis, car il a le droit d'occuper ce poste, par conséquent, il peut faire procuration, comme lors d'un commerce. Toutefois, il n'a pas le droit de choisir la personne qu'il veut, ni son père, ni ses enfants. C'est comme si il a donné procuration pour donner sadaqa, et par conséquent, il ne peut pas la donner à son père ni à ses enfants. Il est possible de choisir parmi les membres de sa famille s'ils sont capables de supporter la responsabilité du poste, car finalement, ils font eux-mêmes partie de l'ensemble des gens. Voir dans le Mourni, volume 11, page 483. Après la fin de ce chapitre, nous allons citer les paroles des savants sur ce sujet sous le titre « La permission de se faire juger par une personne qui n'a pas le statut de juge » et les paroles des savants dans le cas de l'absence du juge officiel. Celles-ci sont les quatre issues pour fuir cette dissension. Nous demandons à Allah qu'il nous protège des dissensions apparentes et cachées, car il est capable de tout. Nous allons conclure ce pamphlet avec la parole du savant de son époque, du Cheikh Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, lorsqu'on l'a questionné au sujet de la demande de justice à Tarout sous le prétexte de la nécessité. Il a dit, en second lieu, on leur dit, si vous avez su que le fait de demander justice à Tarout est de la mécréance, Allah nous a rappelé dans son livre que la mécréance était plus grave que le meurtre. Le Très-Haut dit dans Al-Qur'an, la fitna, l'association, est plus grande que le meurtre. Sourate 2, verset 191. Et il dit encore, la fitna, l'association, est plus grave que le meurtre. Sourate 2, verset 217. Al-Fitna, dans ces versets, désigne la mécréance. Si les nomades et les gens de la ville venaient à s'entretuer jusqu'à leur destruction, cela leur serait largement moins grave que s'ils venaient à désigner un tarout sur terre afin qu'ils jugent dans leur divergence avec autre chose que Sharia de l'islam, qu'Allah a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam. En troisième lieu, nous disons, si demander justice à tarout est de la mécréance, tout en sachant que les divergences se font à cause des choses matérielles, alors comment peut-on concevoir le fait de rejeter la foi pour des choses matérielles? Car nul ne peut se prétendre être croyant tant qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ne sont les plus aimés et jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui soit préférable à ses enfants, ses parents et tous les gens. Et si tu venais à perdre tous tes biens matériels, il ne te serait jamais permis de demander justice au tarout afin de les récupérer. Et si une personne venait à t'obliger à choisir entre demander justice au tarout ou perdre tous tes biens, tu es forcé de devoir choisir de perdre tous tes biens et en aucun cas il ne sera permis de demander justice au tarout et Allah est plus savant. Voir Dar al-Thaniya, chapitre Le jugement de l'apostat, page 275. Il incombe à tout musulman et musulmane, croyant et croyante, souhaitant préserver sa religion et son tawhid, de prendre pour juge des savants de la législation et ceux qui commandent avec le livre de leur Seigneur et la sunna de leur messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes leurs disputes et dans tous les sujets dans lesquels ils divergent, et qu'ils ne demandent pas justice à ces tawarites, car prendre pour juge ces tawarites signifie croire en eux et leur attribuer une adoration. Et que la personne craigne que vienne le jour du jugement et qu'elle fasse partie de ceux dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à leur sujet, Allah rassemblera les hommes au jour de la résurrection et leur dira, celui qui adorait une chose, qu'ils la suivent. Ceux qui adoraient le soleil suivront le soleil. Ceux qui adoraient la lune suivront la lune. Et ceux qui adoraient les tawarites suivront les tawarites. Rapporté par Bukhari, hadith 7437. Ô Seigneur, fais-nous mourir musulmans et vivre musulmans et fais-nous rejoindre les pieux sans nous humilier et ne nous soumets pas à la tentation. Prière d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, digne de confiance, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.